Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 13e instruction, pour la fête du 13-5 heures de Marie le 22 août. Outre les fêtes, dont nous avons parlé jusqu'ici, et qui ont rapport à quelques circonstances particulières de la vie de la très sainte Vierge, il en est beaucoup d'autres que l'Église catholique a instituées, ou qu'elle a du moins permis aux fidèles de célébrer. Je ne prétends pas discourir sur chacune d'elles, parce que je deviendrai trop long, je ne parlerai que de celles qui tombent le dimanche, les lecteurs pouvant plus facilement à pareil jour se procurer le loisir de donner à leur cœur une nourriture salutaire qui y entretienne toujours plus vive et plus ardente la dévotion envers Marie, notre bonne mère. Il n'est point de difficulté qu'un peintre appréhende davantage que de devoir représenter le soleil, l'impuissance où il se trouve d'y réussir procède d'une double cause. Premièrement, de l'impossibilité de fixer les regards sur cet astre, lorsqu'il brille dans tout son éclat, ce qu'on demande de l'impossibilité plus grande encore de le reproduire avec des couleurs. Où trouver une couleur capable de représenter la lumière, si toute couleur est obscure de sa nature? Où trouver une teinte qui rende la chaleur, si toutes les teintes sont froides par elles-mêmes? Comment exprimer des rayons vivants avec un élément sans vie? Or, tel est précisément l'embarras dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je devrais, pour remplir mon cadre, représenter aux yeux du lecteur les amabilités ineffables du cœur de Marie, mais ce cœur est un soleil bien plus resplendissant, plus ardent, plus radieux que le bel astre du jour. Que puis-je faire par conséquent? Oserais-je espérer de montrer ce cœur si digne d'amour sous son véritable aspect? Ah, il faudrait que je fusse en état de fixer d'abord immédiatement sur lui mes regards, mais cet avantage ne m'est pas donné maintenant, et supposé qu'il le fût, où trouverais-je des couleurs capables d'exprimer toutes les idées que j'aurais conçues, en admirant ce cœur plein de douceur? Non, la terre ne possède point de nuances assez vives pour peindre les choses célestes et divines. Je ne pourrais tout au plus que vous le représenter dans un emblème, ou une figure, plus ou moins propre à rendre quelques-uns de ces chastes attraits. En tout cas, c'est à cela que je dois me borner, arrêté par l'impossibilité de faire davantage. Je me contente donc, aux dévots serviteurs de Marie, de vous montrer ce cœur maternel sous un emblème, et je crois ne pouvoir en trouver de plus convenable que le soleil lui-même. Puisque Marie parut revêtue du soleil dans les visions qu'eut à Patmos son bien-aimé disciple, que la tradition identifie à l'apôtre Jean. Puisque l'Esprit Saint la compare au soleil, Cantique 6, 9, je comparerai aussi au soleil son cœur maternel, soleil qui éclaire, réchauffe, et vivifie tous ceux qui ne refusent pas obstinément sa lumière, sa chaleur et sa vertu vivifiante. Je reconnais là l'image du cœur amoureux de Marie, et je m'efforcerai de vous le retracer de mon mieux. Dieu veuille qu'aucun de nous ne vienne jamais à rejeter sa lumière, sa chaleur et sa force vivifiante, mais que tous nous puissions jouir de l'abondance de ses bienfaisantes influences. La première qualité qu'on aperçoit dans le soleil est celle d'éclairer par sa resplendissante clarté, de chasser les ténèbres de la nuit, et de nous faire voir les objets sous leur véritable aspect. Or, tel est aussi le premier effet que le cœur maternel de Marie opère en notre faveur. Elle nous procure, elle nous obtient cette lumière divine qui nous est nécessaire pour écarter les ténèbres de notre ignorance et de nos erreurs. Nous devons l'avouer, mon cher frère, nous ne sommes de nous-mêmes que ténèbres et obscurité, Non pas que cette obscurité et ces ténèbres soient conformes aux intentions et à la volonté de Dieu, mais bien à celle du prince des ténèbres et de l'erreur. Dieu nous avait créés justes, en même temps qu'il nous communiqua l'être, il nous donna une lumière claire à la faveur de laquelle nous pouvions distinguer les choses sous leur jour véritable. Elle nous montrait les objets dans leur juste point de vue, les biens transitoires et caduques, comme caduques et transitoires, comme éternels et stables ceux qui sont réellement tels. Grâce à cette lumière divine, nous eussions parfaitement discerné le précieux du vil, nous eussions reconnu ce que nous devons aimer et rechercher, elle nous eût appris que nous ne devons pas chercher les choses viles et périssables, mais en user seulement pour la recherche du bien unique, souverain, infini, qui devrait être constamment l'objet premier et unique de toutes nos recherches, de tout notre amour. En un mot, nous eussions distingué sans peine le don, du donateur, afin de faire usage du don avec reconnaissance, pour ne servir et n'aimer que le donateur. Mais hélas, le péché survint et éteignit cette lumière, ou du moins obscurcit sa brillante clarté, les ténèbres succédèrent à la lumière, ténèbres, hélas, trop funestes pour nous. Entouré, poursuivi par ces fatales ténèbres, nous ne pouvons plus distinguer la véritable route, bien souvent nous marchons à tâtons, sans savoir où nous irons aboutir. Celui qui voyage dans les ténèbres ne sait où il dirige ses pas. 1 Jean 12, 35. Nous marchons, nous avançons dans le chemin où nous sommes une fois entrés, mais bien souvent pour notre malheur il arrive que plus nous avançons, plus les ténèbres s'épaississent autour de nous. Le Dieu Tout-Puissant ne manque pas, il est vrai, de nous offrir sa lumière, mais nous, dans notre orgueil insensé, nous la repoussons. Nous disons, sinon en parole, du moins en action, retire-toi de nous ne voulons pas connaître tes voies, Job 21, 14. Hélas, c'est ce que fait l'homme quand il pêche, celui qui fait le mal, est la lumière, Jean 3, 20. Mais que résulte-t-il de notre manière d'agir? Nous nous trouvons chaque jour plus enfoncés dans l'obscurité, nous ne distinguons plus le bien du mal, le juste de l'injuste, la vertu du vice, accoutumés à n'estimer que les biens trompeurs de cette misérable vie. Nous n'avons des yeux et une intelligence que pour eux seuls, pour tout le reste nous sommes aveugles, tout ce qui n'est pas terrestre devient nul pour nous, et pourtant un jour viendra où il faudra à toute force reconnaître que tous les biens de la terre n'ont été qu'un splendide néant. Nous regardons, si j'ose le dire, l'éternité pour un vain mot, tant elle fait peu d'impression sur notre esprit, mais un jour viendra, où nous verrons, et avec quelle clarté, que tout n'est que vanité, or l'éternité, à quoi nous servirait-il, cependant, mon cher frère, de n'ouvrir les yeux qu'à ce moment fatal. Hélas, à accroître notre désespoir. Afin qu'un semblable malheur ne nous arrive pas, voici que le cœur de Marie, tout embrasé d'amour, se présente comme un soleil brillant, pour dissiper les ténèbres au milieu desquelles nous errons. Oh, puissions-nous ne pas refuser sa douce clarté, qu'elle nous apparaîtra éclatante, qu'elle nous découvrira clairement les objets. Faites en sorte que la dévotion envers la très sainte Vierge commence à s'introduire dans le cœur d'un pécheur, vous le verrez soudain éclairé du moins en partie, et commençant à apprécier, à estimer, ce qui ne lui inspirait auparavant qu'horreur et dégoût, tandis qu'au contraire il commence à mépriser ce qui avait été jusque-là l'unique objet de son estime et de ses affections. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme que j'ai connu, Ceux qui avaient autorité sur lui l'envoyèrent dans une de nos maisons, pour essayer s'il serait possible de le retirer de la route du vice, dans laquelle il se précipitait. Le jeune homme s'y rendit, non pas pour profiter de la solitude, mais uniquement parce qu'il ne pouvait se soustraire à l'obéissance. Il s'y rendit, mais, ô Dieu, avec quelle disposition, il regardait le traitement qu'on lui faisait subir comme une tyrannie presque insupportable. À peine arrivé, il était impatient de voir le jour où il pourrait retourner à ses dangereux et frivoles amusements. Quelques jours s'étaient écoulés dans cette réclusion si violente, quand tout à coup il se prit de colère, et ne se contenant plus, il se mit à exhaler les plus amères invectives contre celui qui l'avait enfermé dans cette retraite. Le directeur se contenta de se mettre à genoux devant une image de la très sainte Vierge, et récita trois fois l'Ave Maria, exhortant le jeune homme à l'accompagner, mais celui-ci refusa obstinément de le faire au premier Ave Maria. Au second il répondit à moitié entre les dents, au troisième il se jeta à genoux, et répondit avec quelque dévotion. Le croiriez-vous? Il trouva ses idées et ses sentiments si complètement changés en un instant, que prosterné à genoux et tourné vers le Père, son directeur, il l'embrassa avec tendresse. « Mon Père, lui dit-il, je ne suis plus le même. Je déclare que je ne partirai plus de ce lieu. Non, je ne veux plus partir, jamais plus. Jamais plus je ne sortirai d'ici, je veux être passionniste. » Il exécuta réellement cette résolution, n'étant sorti de cette maison que pour se transporter au noviciat et revêtir le saint habit des passionnistes. Note. Ce fait me fut rapporté par le jeune homme lui-même, avec qui j'ai étudié et j'ai été ordonné prêtre, cependant je dois le dire en tremblant, par un juste et impénétrable jugement de Dieu, il n'a pas persévéré longtemps dans la congrégation. Cette circonstance ne diminue en rien le prix de la grâce qu'il a reçue, seulement elle doit nous porter à redoubler de vigilance, nous éclairer davantage et nous faire connaître qu'il ne suffit pas d'avoir bien commencé, si l'on ne persévère. Fin de la note. Je vous le demande maintenant, mon cher frère, qui est-ce qui anima tout à coup ce cœur de disposition si différente? Ce fut la très sainte Vierge qui, à peine invoquée, apparut comme un brillant soleil dans cette nuit obscure, et lui fit voir les objets sous un aspect nouveau. Jusqu'à ce moment, il n'avait considéré les choses éternelles qu'avec mépris, les choses temporelles et caduques qu'avec passion et enthousiasme. C'était là l'effet des épaisses ténèbres dans lesquelles il était plongé. La lumière brille, tout change d'aspect. Remarquez-le, le verre luisant pendant la nuit est tout brillant de clarté et nous paraît d'une beauté ravissante. Nous le prenons entre les mains, et nous ne nous lassons point d'admirer son éclat. Mais voici que le soleil se lève sur notre horizon, nous voulons le considérer une dernière fois. Ciel, que voyons-nous? Un vil et misérable insecte, aussi hideux que dégoûtant, qui ne mérite que d'être refoulé aux pieds. Nous apprenons alors à le mépriser, et à faire cas de la lumière du soleil, auprès duquel toute autre clarté disparaît. C'est là ce qui arrive dans notre cas. Tant que durent les ténèbres du péché, nous ne voyons que l'éclat luisant et trompeur de ce monde. Mais faisons en sorte que la vraie dévotion à Marie commence à prendre place dans notre cœur, aussitôt nous rectifions nos idées, parce que cet astre bienfaisant nous montre les choses sous leur véritable aspect. Elle est donc semblable à un soleil qui éclaire nos ténèbres, et l'on peut dire d'elle, jusqu'à un certain point, ce qui est dit proprement de Jésus-Christ, elle est la lumière véritable, la lumière qui éclaire tout homme vivant sur la terre. Jean 1, 9. Le cœur de Marie ne se contente pas de si peu. Non seulement elle nous communique sa clarté, mais encore sa chaleur, en sorte qu'on peut lui appliquer ce qui est dit de Jésus-Christ. Il n'est personne qui soit privé de sa douce chaleur, non, il n'est personne qui en soit privé, si ce n'est celui qui veut l'être de plein gré, en refusant avec obstination d'ouvrir son esprit et son cœur à ses rayons bienfaisants. Le péché, mon cher frère, éteint dans notre esprit la céleste lumière, ou du moins l'offusque, et toujours il étouffe dans notre cœur les ardeurs sacrées de la charité, l'amour envers Dieu, notre unique et souverain bien. Le péché, j'entends le péché mortel, en introduisant dans notre cœur le feu criminel et désordonné de la concupiscence, lui ravit aussitôt la belle flamme du Saint-Amour. Cette flamme amortie se change en une froideur funeste pour tout ce qui est surnaturel et divin. Les choses célestes ne nous touchent plus, les bagatelles de la terre nous séduisent et nous entraînent dans leurs gouffres impétueux. Nous courons, mais en courant nous ne faisons que nous précipiter toujours d'abîme en abîme, de crime en crime, jusqu'à ce que nous parvenions enfin au terme fatal de notre éternelle destinée. Arrivés à ce moment décisif, nous éprouvons l'impossibilité de concevoir encore la moindre chaleur céleste. Le feu brûlant de la colère de Dieu s'insinue dans notre cœur, et y prend la place qu'occupait le feu impur des convoitises de la chair. De même que celui-ci avait pris d'abord la place de cette chaste flamme de l'amour divin, qui seule eût dû consumer nos cœurs. Si donc nous ne voulons éprouver les cuisantes ardeurs du feu de l'enfer, nous n'avons d'autre moyen de nous y soustraire que de faire dès maintenant régner en nous le feu céleste du divin amour. Il faut brûler pendant toute une éternité dans l'un ou l'autre de ces deux brasiers. C'est à nous à choisir. Lequel préférons-nous, mon frère? Désirons-nous celui de l'amour divin, ou celui qui a été allumé par la fureur de Dieu? Je veux le premier, me répondez-vous aussitôt, et certes vous avez raison, je n'aurai garde de contredire votre choix, car je veux vous imiter. Mais hélas mon cher frère, que ferons-nous pour allumer dans notre cœur cette heureuse flamme? Ah, il est si froid! Et ce qui est bien pis, il n'est pas capable de s'enflammer de lui-même. Que ferons-nous donc? Vous l'ignorez peut-être, mais il vous sera facile de l'apprendre. Approchons-nous de Marie. Ne savez-vous pas qu'elle est la mère du bel amour? Ecclésiastique 24, 24. Oui. Elle est la mère de cet amour qui est beau, parce qu'il est saint, parce qu'il est divin, parce qu'il a proprement pour objet la beauté même de Dieu. Ô chaste et précieux amour, que vous m'êtes chère, aimable mère du plus bel amour, à que vous établissez heureusement le contrepoids d'Ève notre première mère, qui fut aussi la mère première de l'amour sensuel. Parce que la première elle abandonna la beauté divine et se tourna vers la laideur du péché. Approchons-nous donc, mon frère, le plus que nous le pouvons de la mère du bel amour, approchons-nous d'aussi près que possible de son cœur maternel, et il ne nous sera plus difficile de faire naître dans nos cœurs une étincelle de cette flamme ardente qui brûle dans le sien. Je dis peu, il sera impossible de n'être pas embrasé en étant si près de ce vaste foyer de l'amour divin. Ainsi nous pouvions pénétrer dans le cœur de Marie, qui verrions-nous, nous y trouverions une fournaise, mais la fournaise la plus ardente qu'il soit possible d'imaginer. Dans cette fournaise se trouve deux feux, dont on ne saurait dire lequel est le plus vif et le plus actif, ou pour mieux dire un seul feu ayant un double objet, Dieu est l'objet premier et principal de son amour. L'objet secondaire, quel est-il? Ne le savez-vous pas? Mon cher frère, l'objet secondaire c'est nous, tout pauvres, tout misérables, tout froids que nous sommes du feu céleste. Oui, nous sommes aimés de ce cœur maternel, mais de quel amour? Qui le saura jamais? Il nous aime d'un amour invincible, insurmontable. Saint Pierre Damasène, deuxième homélie pour la Nativité de la Vierge Marie. Il nous aime en proportion qu'il aime son Dieu, vu que non seulement l'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu, mais qu'il s'accroît sans cesse selon que celui-ci s'augmente et se perfectionne. Marie nous aime, elle veut donc notre bien-être et notre avantage. Mais que désire-t-elle pour nous? Elle désire, savez-vous quoi, mon frère? Elle désire l'amour divin qui est le souverain bien sans lequel tout autre bien nous serait inutile. Marie veut donc que notre cœur brûle de cette heureuse flamme. Jésus le veut aussi, et c'est le vœu le plus ardent de son cœur. Que manque-t-il donc, ô mon frère? Pourquoi notre cœur n'est-il pas encore embrasé de l'amour divin? Pourquoi, sinon parce que nous ne le voulons pas? Nous sommes les seuls qui mettions obstacle au dessein de Dieu, et à la sollicitude maternelle du cœur de Marie. Arrachons de notre cœur cet obstacle unique aux intentions si pures du cœur de Dieu et du cœur amoureux de Marie. La troisième propriété du soleil est celle de vivifier, de ranimer les êtres qu'il a éclairés et réchauffés. Dites-moi, mon cher frère, qu'en serait-il de cette terre, si le soleil cessait d'exercer sur elle ses salutaires influences? Ce ne serait plus qu'un amas de corps sans mouvement, et incapable de produire rien de bon. Ils le savent par expérience les infortunés habitants des pôles, si toutefois ces tristes régions sont habitées par des êtres vivants, durant 6 mois entiers qui règnent la nuit, tout y demeure engourdi sous l'empire d'un froid glacial, et la terre est hors d'état de produire aucun fruit propre à alimenter la vie des mortels. C'est là l'image de ce que nous serions si le soleil céleste ne nous vivifiait, nous demeurerions plongés dans l'inertie, et dans l'impossibilité fatale de faire la moindre chose digne de la vie éternelle. Mais le soleil se montre. C'est lui qui nous illumine, nous réchauffe et nous vivifie, il nous fait triompher de notre inertie naturelle, nous reprenons une vigueur nouvelle, nous retrouvons la vie. Mais quel est le soleil dont il s'agit? C'est de Dieu, il n'y a point de doute, que j'entends parler en premier lieu, c'est de ce divin esprit que l'Église appelle esprit vivificateur, parce qu'il a le pouvoir de nous communiquer la vie surnaturelle de la grâce. On ne peut nier cependant qu'après le cœur de Dieu, nul n'est plus digne d'être comparé au soleil que celui de Marie, parce que nul n'approche davantage de Dieu, nul ne participe plus abondamment aux perfections du cœur même de Dieu. Aussi dès que ce cœur maternel daigne répandre sur nous ses doux rayons, on aperçoit aussitôt un changement admirable et prodigieux. Ce qui jusqu'alors avait été plongé dans les ténèbres, devient lumineux, ce qui était froid, retrouve la chaleur, ce qui était dans l'inaction, sent renaître ses forces, sa vigueur et son activité. Mais dites-moi, je vous en prie, mon cher frère, dans quel état se trouve à présent votre cœur? Est-il éclairé ou dans les ténèbres? Est-il froid ou chaud? Est-il mort ou vivant? Hélas, je n'en sais rien, semblez-vous me répondre? Je n'en sais rien, mais à en juger d'après les apparences, je devrais dire qu'il est sans lumière, sans chaleur et sans vie. Peut-être n'en est-il pas ainsi, mon cher frère, mais si jamais cela était, je vous dirais ne perdons pas courage, Voici la circonstance favorable de remédier à tous nos maux en ce jour où nous faisons la fête du cœur aimable de Marie, qui ne respire que tendresse pour nous, approchons-nous-en et ne craignons rien. C'est un soleil qui illumine, réchauffe et vivifie, comme nous l'avons vu jusqu'ici. Demandons-lui donc la lumière, la chaleur et la vie, et nous obtiendrons tout. Oui, au très doux cœur de Marie, au soleil céleste, nous nous prosternons devant vous, le cœur pénétré du plus humble sentiment de nos misères. Hélas, ce pauvre cœur, ô ma mère, est si différent du vôtre. Le vôtre est tout resplendissant de clarté, tout embrasé de cette heureuse flamme qui y règne, plein de vie et d'activité, empressé à procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes, mais le mien. À ce malheureux cœur est aveugle, il est mort, il est sans vigueur et sans vie, et ce qui est bien autrement déplorable, c'est que tout en se voyant froid de l'amour céleste, il est embrasé, et embrasé à l'excès de l'amour vain et trompeur de cette misérable terre. Au cœur chéri de ma très douce mère, je vous en conjure, faites sentir votre chaleur à mon cœur, consumez-y toutes les affections qui y règnent, mais qui ne plaisent ni à Dieu, ni à vous. Remplissez-le ensuite d'une lumière, d'une chaleur et d'une vie, non plus terrestre et diabolique, mais céleste et divine. Amen. Markendan Archive.org 2023. D'après Books Google FR Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.